Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive. Vous êtes aujourd'hui dans le MAG, un MAG où on va mettre en lumière une association qui œuvre depuis près de 50 ans pour la prévention, la réadaptation sociale et culturelle ainsi que l'entraide des usagers du secteur de psychiatrie adulte. Il s'agit de l'association ACER, association du centre hospitalier Amboise-Château-Renaud, donc comme on l'a dit, d'entraide et de réadaptation. On va apprendre à mieux connaître les actions, engagements de cette association en accueillant des membres. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Deria R, infirmière au centre hospitalier Amboise-Château-Renaud d'Amboise. Bonjour Deria. Bonjour. Deria, dont les plus fins observateurs reconnaîtront peut-être la voix, puisqu'elle était l'invitée de Catherine dans Théâtral, et elle nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Deria, qui est venue aujourd'hui en compagnie d'Emeline Minot, qui, elle, est assistante sociale sur le CHIC. Bonjour Emeline. Bonjour. Et puis on a un invité mystère incognito qui est Michael, qui est patient du service et co-président de la SER. Bonjour Michael. Bonjour. Voilà. Sympa de votre invitation. Eh ben on est très content aussi. Alors ouais. Je dis incognito parce qu'il y a peut-être je vais parler, peut-être pas. Donc on va voir. J'essaie c'est de vraiment... m'autogérer déjà. Je peux te gérer. Ok, très bien. Alors est-ce que les filles, vous pouvez nous rappeler la mission principale de votre association qui est, je le rappelle, la SER, A-C-E-R. Emeline. Oui, du coup la SER, c'est donc une association loi 1901 qui a été créée donc, dans les années 75, en même temps que le service de psychiatrie adulte de Château-Renaud. Et l'association, elle est au service du soin dans le service. C'est une association qui est co-gérée patients et soignants. Tous les ans, il y a des élections et tout le monde participe, enfin les adhérents. L'association, elle vit principalement d'une subvention de l'hôpital et puis après des subventions des collectivités qui sont sollicitées, des mairies notamment, parce que du coup on gère le financement des ateliers thérapeutiques. D'accord. Dans le service, on fait plein d'ateliers qui peuvent être sportifs, culturels, manuels, un atelier jardin. Et donc tout ça nécessite de tous les ans, chaque atelier est fait une demande de budget qui est vue en conseil d'administration. On discute des projets, des objectifs avec les patients et les soignants. Et puis on décide en fonction de l'enveloppe qu'on a. Donc il faut trancher. Alors on sait bien qu'on n'a pas toujours ce qu'on demande. Il faut faire des choix. Yes. En tout cas, on note bien que c'est sur un mode participatif, c'est-à-dire que c'est vraiment co-construit avec les usagers, avec les patients. Oui, c'est vraiment dans un objectif d'horizontalité, d'associer les patients au maximum à la prise en charge et aux outils de soins qui sont utilisés dans le lieu de soins qu'ils côtoient. Et du coup, la SER, elle intervient pour tous les usagers du service de psychiatrie, que les gens soient hospitalisés ou qu'ils soient suivis en ambulatoire sur l'hôpital de jour ou sur le CMP. C'est des ateliers qui sont ouverts aux différentes structures. D'accord. Et alors, comment vous, avec vos bagages respectifs, à savoir assistante sociale pour Emeline et infirmière pour Deria, comment vous coordonnez les choses au niveau de la SER? Qu'est-ce que vous y faites, en fait, concrètement, vous deux? Ah oui, oui. Moi, ça fait 12 ans que je travaille au CHIC. Oui. Et je pense que ça fait une dizaine d'années que je fais partie de la SER. J'ai été co-secrétaire. J'ai été référente appartement. Parce que ça, on ne vous a pas dit. On vous a parlé surtout des ateliers thérapeutiques. Mais mm-hmm. on fait aussi de l'intermédiation locative. Oui. On a deux appartements, un en Amboise, un à Château-Renaud, qu'on peut sous-louer du coup, à une personne qui est suivie pour l'accompagner dans une prise d'autonomie dans un logement. Mmh. Et ça veut dire que l'accompagnement, il est aussi au niveau du soin. Quand je parle oui. de soin, c'est-à-dire que c'est une personne qui est toujours sous traitement. Effectivement, donc il se peut que la personne soit toujours... de toute façon, il y a une prise en soin. Donc il y a des rendez-vous médicaux, cette personne peut avoir des rendez-vous médicaux, on peut effectivement faire des visites à domicile, nous, infirmiers, ah oui chez la personne. Il y a un accompagnement dans l'autonomie, la prise en charge ambulatoire pour ce patient. Et donc. Et toi, du coup, en tant qu'infirmière à la SER? Et donc, moi, c'est tout récent. Ça fait 2 ans que je suis infirmière dans ce service-là, en psychiatrie. Et ça fait récent. Ça fait 3 mois que je suis membre de la SER. Actuellement, je suis référente appartement associatif. Et j'apprends également, je découvre. Mais dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, je participe aux ateliers thérapeutiques. Ça fait partie du soin. Donc, il y a, effectivement, il y a les thérapeutiques, il y a les rendez-vous médicaux et il y a tous ces ateliers thérapeutiques qui permettent aux patients C'est un mieux-être, finalement, un mieux-être que vous apportez finalement aux patients à travers toutes ces disciplines qui peuvent être le sport, la culture. La culture, l'écriture, la cuisine, le théâtre. Et tous ces ateliers, c'est aussi travailler lien à l'autre. Parce que la maladie mentale, elle a souvent des répercussions dans sa capacité à être en contact avec les autres. Et en fait, l'atelier, du coup, tout le monde se réunit autour d'une thématique, quel que soit le type d'atelier. Mais c'est, on se met d'accord, on a un budget, qu'est-ce qu'on fait cette année ? C'est prendre en compte l'autre, la vie de l'autre, puis du coup, prendre des décisions ensemble, se décider. Donc ça se fait dans les ateliers, ça se fait au conseil d'administration de la SER, dans une dynamique collective. Tout à fait. Voilà. Et puis, du coup, nous, on fait partie de la SER et ça fait aussi partie de notre travail. C'est considéré vraiment comme un outil du soin. Donc, Alors, quand on parle de soins psychiatriques, peut-être que je me trompe, vous allez me le dire, c'est vous les professionnels, mais on imagine des soins d'assez longue durée. Finalement, vous avez des patients sur des longues durées. Alors là, ça fait 2 ans pour Deria. Emeline, ça fait 12 ans. Il y a des personnes que vous voyez depuis moult années. Moi, ça fait 25 ans que je suis en psychiatrie. D'accord. Et j'ai vu un peu tout le système, comment ça marchait, les soins, les activités thérapeutiques. D'accord. C'est comme si on était à une sortie scolaire. On est entre potes, on sort de l'institution de l'hôpital. Et ça fait du bien, ces moments-là ? Ah bah ouais, c'était joyeux. On est fatigué après. C'est bien. Et le lendemain, on revient quand même. Effectivement. Et on en redemande après tous les ans aussi. Ouais. Faire plus. Et ça, parce qu'en fait, avant, on faisait une activité comme le théâtre, ça revenait trop cher par rapport à notre budget. Oui. Ça enlevait toutes les sorties qu'on pouvait faire. D'accord. On voulait faire des trucs immenses d'un coup, quoi, qui coûtent cher. Oui. Pour que ça soit un impact. Un impact par rapport aux sorties, parce que les sorties, des fois, ils ont l'impression qu'on n'en fait plus. Et là, le fait d'avoir arrêté le théâtre, et puis avoir fait quand même, même avec le théâtre, des choses. Oui. Ça nous a libérés. Ça permet de mieux répartir le budget, de pouvoir l'étaler sur beaucoup plus de choses. Voilà, plus de sorties, parce que normalement, on devrait en faire moins une quinzaine par an. Et là, on en fait 2-3, quoi. Alors, du coup... On les a tous palliés, quoi. Les filles, tout à l'heure, Emeline et Deria, nous disaient que c'était participatif. Donc vous, Mickaël, vous confirmez ça, vous donnez vos idées, vous proposez des activités. Ça vient pas que de moi, ça vient de tous les patients. Bien sûr. On est tous pareils. Mais en fait, moi, mes 15-20 premières années, c'était cool. Mais là, je commence à aller mieux, mais fatigué. Puis c'est plus difficile maintenant de parler aux autres patients, mais on y arrive quand même. Mm-hmm. Mais cette demande d'un échauffement intellectuel, il faut redresser la corde. Mm-hmm. Et quand des nouveaux patients arrivent, vous allez les voir pour leur dire qu'il faut participer. On se connaît, parce qu'on se rencontre à l'intra, à Châteauneuf. OK. Et du coup, on sait qui arrive. J'ai fait 2 ans et demi de Châteauneuf ces dernières années-là. L'année dernière qui a coulé. Et là, j'ai trouvé qu'il me fallait ça. Quoi. Mmh. Au bout de 25 ans, j'ai senti. Mon psychiatre m'a dit qu'il avait vu un effort, un encouragement. Donc ça porte réellement ses fruits. C'est mesurable, ça, justement, l'action de vos. Ah oui, Emeline lève un peu les. C'est toujours très difficile de quantifier les choses essentielles. On est d'accord. C'est du qualitatif, c'est du mieux-être, c'est de la. On appelle ça maintenant de la réhabilitation psychosociale, en fait. L'objectif, c'est que les personnes trouvent un équilibre dans la vie sociale ordinaire, acquièrent une autonomie, puissent être en lien le plus facilement possible avec les autres. Et on refait face. On fait 2 ans et demi de Châteauneuf. On refait face et c'est mieux. On avance plus que de régresser et pas faire tout ce qu'on veut. Bien sûr. Je peux garder mon logement, j'ai des soins et... Voilà, tout se passe bien. Super. Et ça, c'est grâce à l'association, en partie ? Ça se passait bien avant, mais... C'est encore mieux maintenant. C'est mieux, ouais. Il y a 20 ans, j'ai dit, il faut que je fasse la psychiatrie. Mon psychiatre a dit pareil. Il dit, 20 ans, il m'a dit encore à faire. Et, il n'avait pas eu tort. Après, j'espère qu'on va faire 2-3 années comme ça. Après, l'association, elle gère l'aspect du coup financier. Elle coordonne les choses, mais tout le quotidien, c'est toute l'équipe de soins qui s'investit dans les ateliers. Enfin, il y a tous les professionnels, les aides-soignants, les infirmiers, les psychologues, les médecins, les assistantes sociales. Tout le monde participe aux soins et... Oui, c'est un vrai travail d'équipe. Voilà. Oui. Vous savez à peu près combien il y a de patients qui fréquentent l'association ? Est-ce qu'il y a des chiffres à nous donner ? Moi, j'ai lu 92 adhérents, quelque part. Je dirais que varie, c'est entre 100, 120 personnes qui prennent leur carte d'adhésion. D'accord. Ça dépend si on fait une grande campagne d'adhésion ou pas. Des années où on a des gens plus motivés. Et vous avez des contacts avec l'entourage des patients qui, vous, par exemple, vous croisent ou croisent les autres équipes qui côtoient les patients aussi au quotidien et vous disent, ben nous, on le constate depuis qu'il y a ces ateliers, depuis que notre fils, notre ami, notre fréquente ces ateliers, on sent qu'il y a du mieux, comme Mickaël qui lui l'exprime. Oui. Après, ça vient pas, ça tombe pas du ciel, quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai des années de guérison moi-même. Oui. Des fois, on zappe sur l'hôpital, et après, ils nous disent qu'on pouvait sortir et continuer le traitement, mais on ne continue pas le traitement, c'est sûr, on ne continue pas. Après, on revient, mais on revient plus fort. Oui, d'accord. Après, c'est l'escalade, après, c'est pire. C'est ça descend. Oh. T'as beau tout faire, c'est incurable le truc. Oui, bien sûr. Le côté médicamenteux, on entend que c'est évidemment une base importante. Ça marche beaucoup pendant des années, ouais. Quand ça ne va pas, ça marche. Ça marche bien, quand ça marche pas, ça marche pas. Oui. Et donc oui, vous avez l'entourage des patients, des liens avec eux, il y a des espaces de parole, je sais pas. Et quel entourage? Parfois, je parle de la famille. On peut faire des événements. Donc, dernièrement, je pense notamment à la vente des crêpes que nous avons fait en octobre 2024. Donc, il y avait des patients qui avaient invité aussi leur famille pour déguster nos belles crêpes. Et donc là, il y a eu des moments où d'échanges avec la famille qui nous encourage vivement à continuer nos projets. Et les familles expliquaient que c'est effectivement, donc il y a la prise en charge thérapeutique, mais il y a aussi l'accompagnement et comment on accompagne les personnes en dehors des murs de la psychiatrie. Mmh. Oui, puis ça doit être rare d'avoir des moments où on peut... Enfin, une vente de crêpes, c'est l'idéal. On a les patients, l'entourage, l'équipe soignante. C'est ces temps-là qui peut-être manquent d'ailleurs. Sinon, c'est vrai qu'au quotidien, c'est plutôt dans la prise en charge individuelle des patients où du coup, il y a des rendez-vous qui peuvent être familiaux. Oui. Et les choses se discutent dans ces moments-là. Je ne sais pas si on explique forcément que c'est la place de la serre dans l'institution. Mais du coup, c'est sur les événements où là, on peut expliquer du coup aux familles. On fait une action d'autofinancement parce que du coup, on a envie de faire plein de projets avec les patients qui ont plein d'idées. Mmh. Et bien, notamment, on fait des ventes de crêpes une ou deux fois dans l'année devant l'hôpital d'Amboise. Où tout le monde peut venir chercher une petite crêpe. On a des biliques, on est super équipés maintenant. On a des patients qui sont des pros de la crêpe. Oui. Ah, mais la crêpe fédère. Hein. toujours des moments très conviviaux, c'est sympa. Une personne qui va aller vers la réadaptation, justement, milieu ordinaire, j'ai envie de dire, c'est quoi les principales difficultés qu'elle va rencontrer? Vous qui les accompagnez, qu'est-ce qui revient souvent? Après, la maladie, elle a des répercussions, sociales souvent qui peuvent être importantes, mais c'est très très variable en fonction des gens, parce que il n'y a pas de définition avec une pathologie, on peut avoir des symptômes différents en fonction de qui on est. C'est compliqué d'y répondre de façon universelle, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. Après, si la maladie est plutôt envahissante, ça peut être compliqué pour vivre seul, pour avoir un emploi, pour être en lien avec les autres. Parfois, il peut y avoir la souffrance, il peut y avoir la difficulté à être ancré dans la réalité. On peut parler de symptômes positifs, quand il y a des envahissements et que c'est compliqué pour la personne de vivre au quotidien comme il a pu vivre jusque-là. Et parfois, il y a des symptômes négatifs de la maladie. Donc là, c'est des difficultés à sortir, à se mettre en lien, à gérer le quotidien. Ça peut être, il peut y avoir de l'angoisse, de la souffrance. Et aussi, parfois, l'acceptation de la maladie, c'est aussi un travail qu'on fait avec les patients. Donc il peut y avoir des ruptures de thérapeutiques. Et bon, on essaie d'accompagner, on essaie de faire un chemin avec le patient. Et puis chaque personne est singulière, donc c'est un travail qu'on essaie d'adapter en fonction de la personne. Oui, c'est sûr que je vous pose des questions qui sont peut-être très ciblées par rapport au champ que vous balayez au travers de votre travail tous les jours, évidemment. Vous êtes entouré de partenaires, de structures qui vous aident dans ces démarches. Alors, on a entendu tout à l'heure Deria qui expliquait qu'il y avait un partenariat notamment avec un bailleur social au niveau des logements temporaires et d'accueil. Est-ce qu'il y a d'autres structures avec lesquelles vous travaillez qui sont un fort appui? Alors oui, vous avez raison. Déjà l'hôpital reconnaît l'intérêt de l'association, donc c'est elle qui nous subventionne, donc on la remercie. Et puis les mairies ou les comités de communes qui nous mettent à disposition des gymnases, des salles pour nos événements. Donc ça, c'est un partenariat institutionnel qui est important. Et puis après, il y a tous les partenaires qui interviennent dans l'accompagnement au quotidien des gens. On travaille avec la portion de famille de l'Orangerie Amboise. Oui. Voilà, par exemple. On a des liens avec tous les acteurs, moi notamment en tant qu'assistante sociale, sur tout ce qui est les questions du logement, les différentes structures. Les CCAS, etc. Oui, voilà. Avec les structures qui aident pour l'emploi, Cap Emploi, pour les personnes reconnaissantes travailleurs handicapés. Enfin, voilà, tout un maillage avec qui on peut travailler pour les projets individuels des gens. Et du coup, là, c'est vrai qu'on a moins parlé des deux appartements associatifs. Et c'est aussi un engagement de l'association depuis qu'elle est créée. De proposer ça. Mais notamment, c'est un peu un risque financier aussi, parce que ça veut dire que l'association, elle est locataire du logement. Et puis après, elle sous-loue un patient, mais parfois, du coup, entre deux projets d'accompagnement de patients, le logement, il est libre, et puis l'association, elle le paye. Donc, on mène des actions aussi, des fois, pour renflouer un peu les comptes quand il y a eu quelques mois d'inoccupation, le temps que la personne soit prête à rentrer dedans. Et puis après, les personnes sont locataires et payent le loyer, les charges. Donc, au niveau de l'association, financièrement, ça ne se voit pas. Mais... Quand vous accompagnez des personnes qui sont hospitalisées au service psy, certaines vont pouvoir aller vers l'autonomie, certaines pas. Ça va être un accompagnement vers une structure spécialisée. Ça aussi, ça fait partie du job. Oui, ça fait partie de l'évaluation pluridisciplinaire de comment est-ce que la personne, une fois stabilisée, elle va aller, vers quoi on va aller. Et des hospitalisations complètes, comme disait Mickaël, donc l'intra. Donc c'est une hospitalisation classique. Il y a des hôpitaux de jour, donc là où je travaille moi actuellement. Donc c'est des hospitalisations la journée. Donc les patients viennent de 9h jusqu'à 16h. Donc parfois ils viennent 5 jours par semaine, parfois moins de temps de présence en fonction de leurs besoins aussi et en fonction du contrat de soins qui est passé avec le médecin. Et également, il peut y avoir des consultations CMP au centre médico-psychologique. Oui. Donc, c'est, la prise en charge varie en fonction du mode d'hospitalisation. Le problème, c'est qu'avant, j'étais dans le flou total en psychiatrie. Quoi, je me faisais pas. Quoi. J'y suis, mais j'y suis ailleurs. Et là, j'ai senti que j'étais obligé de signer une curatelle renforcée, comme on m'a dit. Et là, j'ai plus de choix et de disponibilité de faire ce que je veux. Quoi. Ah oui, c'est un partenaire important, les organismes de mandataires judiciaires. Ouais. Ah oui. Déjà, on ne peut plus s'occuper des papiers, on y va. Donc, j'ai fait 3 domiciles en 2 ans et demi. Je n'étais jamais au même endroit pour dormir. Je suis resté longtemps ici, à Châteauneau. Et là, je me suis trouvé libéré quoi, après, quand je suis parti de là-bas. D'accord. Mais on peut y retourner, et puis c'est comme ça. C'est la maladie, quoi. Et parfois, nous avons des ateliers thérapeutiques en commun avec les 3 structures, donc les 2 hôpitaux de jour plus le service de psychiatrie adulte. Et parfois, on a des ateliers thérapeutiques seulement dans les hôpitaux de jour. Et c'est vrai que ça fait une continuité aussi pour le patient. Ce qui est bien pour moi, c'est que j'ai jamais trop fumé de cigarettes, d'alcool, tout ça. C'est pas, j'ai arrêté ça à l'armée et j'ai pas continué, quoi. Très bien. Et sinon, je serais dans un sale état, quoi. Vous voyez, Mickaël se sent très à l'aise parce qu'au départ, il n'était pas sûr d'intervenir. Et là, il nous dévoile tout plein de choses. En tout cas, c'est un sacré boulot. Et on ne vous a pas parlé du club thérapeutique aussi. Qui est une activité en soi. Du coup, il y a l'association qui porte le statut juridique, qui fait les comptes, qui rend les comptes tous les ans, qui fait le budget prévisionnel. Et du coup, il y a une partie du budget qui est allouée au club thérapeutique qui se réunit à l'animation. Voilà, tous les mercredis. Et c'est vraiment le bouillon de culture de toutes les idées pour construire les projets de séjour thérapeutique, de sortie. Il y a eu en septembre dernier un séjour, c'était à la mer à Royan. On s'est payé la tempête, mais on était obligé de dégramper en 2-2 avant que la tempête nous tombe dessus. Là, la route du retour, c'était la tempête quoi, dans le camion. On se croyait sur un naufrage. Ça, sur un naufrage. C'est quelque chose qu'on maîtrise puis, pas, puis c'est partait, la météo. Puis on partait, mais c'était... on s'est tapé les pieds dans la gadoue, dans l'eau. Ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs, oui. Il y a des couacs. Par contre, ce qui est le mauvais temps nous a permis d'aller au restaurant. Quoi. Eh ben, voyez, comme quoi. Ouais. Et puis du coup, cette façon de prendre en soin, elle fait référence aussi à la thérapie institutionnelle. C'est l'idée aussi du service de soigner de cette façon-là. C'est aussi un peu politique ce choix, qu'il y ait la serre, qu'il y ait le club, qu'on soigne de cette façon-là. C'est pas forcément ce qui est à la mode. Oui, c'est pas le cas partout. Que... Ouais. Voilà. Ouais, on peut être vraiment dans du médical pur et dur sans qu'il y ait d'autres à côté. Oui, stabilisation médicamenteuse sortie et puis les gens se débrouillent. Ah, c'est pas du tout. Là, c'est une prise en charge qui est au long cours, qui est globale, qui est adaptée à chacun. Parce qu'on a, juste sur le secteur, on n'a pas dit. Du coup, nous, là, c'est le secteur 7 de psychiatrie, donc c'est l'hôpital public. Hein. Mmh. Et du coup, c'est sectorisé la psychiatrie en France. Donc nous, la serre, on intervient auprès des personnes qui habitent sur le 7e secteur. Ça fait Château-Renaud, Amboise, Bléré, tout le nord-est en fait, du département. D'accord. Ah oui, c'est encore un découpage qui est différent de l'administratif, j'ai envie de dire. Enfin, d'accord. Oui. Ah oui, ça fait un sacré périmètre quand même. Mais vous n'êtes pas débordé par les demandes? Comment ça se passe au niveau de l'accueil en psy? Il y a un peu d'attente. Il y a un peu d'attente. Un peu beaucoup d'attente. Ouais. Ouais. En ambulatoire, surtout, il y a de l'attente. Oui. D'accord. Moi, je me suis retrouvé à appeler l'ambulance moi-même, à ce point-là. J'ai dit, ça déjante. Si je vais t'arriver à malheur. Du coup, je prends le téléphone. On m'a dit, j'ai cru entendre qu'on m'a dit appeler les pompiers et les gendarmes. J'avais pas rien fait, mais un peu de bruit. J'ai dit, je débloque après le boulot, quoi. Je me dis, oh là là, j'appelle tous les pompiers. Mmh. Et à l'intra, j'ai fait le 17 aussi à l'intra. Ah oui. Après, voilà, quelqu'un qui est en grande souffrance psychique, c'est les urgences d'Amboise, les urgences générales. Parce que pourquoi on fait des sorties, on est soudés. Ouais. Mais sinon, des fois, à l'hôpital d'urgence, c'est la guéguerre. Après, lorsqu'il y a nécessité d'une prise en soins en urgence, bien évidemment, ça passe par les urgences. Ouais. Chaque fois, j'appelais les pompiers à chaque fois. Ça débouche à une hospitalisation dans l'urgence pour prendre en soin la personne assez rapidement. Parce qu'il y en a qui ils font du mal. Ouais. Entre trop d'un rêve en psy. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Alors, Deria, lors de votre dernier passage à Radioactive, vous nous avez parlé d'un événement. Est-ce qu'on peut revenir sur cet événement et quel est le lien avec la serre? Effectivement, c'est que la serre, nous organisons en partenariat avec l'association Théâtre de l'Escapade de Chanceaux sur Choisy un événement, une représentation théâtrale, donc le dimanche 30 mars de 14h30 à 17h30 à Château-Renaud, la salle de la Tannerie. Donc il y aura une représentation de deux pièces de théâtre. Donc la troupe joue pour nous gratuitement deux pièces de théâtre. Donc pour rappel, c'est Jupe courte et conséquences pour la première pièce et La nuit de soupçon pour la deuxième pièce. Et puis, on organise également un entracte avec buvette de 45 minutes entre les deux pièces. Et puis, on voudrait bien vendre également nos productions qu'on fait dans nos ateliers thérapeutiques. Ah oui, voilà. D'accord. On fait une petite exposition vente pour montrer ce qu'on fait en atelier poterie, en atelier manuel. Des objets divers. Donc là, ça veut dire que la vente, à la fois la buvette et puis aussi l'entrée à prix libre, on précise que c'est à partir de 12 ans, donc on peut venir en plus en famille. Prix libre, donc au choix, au chapeau un petit peu, c'est oui, tout ça va alimenter votre budget pour pouvoir mettre en place encore plus d'animation sur le club thérapeutique, si j'entends bien. C'est bien ça. D'accord. Donc c'est important de venir et de participer. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations, notamment le flyer de cette manifestation, puisqu'on a des petits topos de chaque spectacle? Oui, alors on a des flyers qui circulent dans le fil d'actualité de Château-Renaud. De la mairie de Château-Renaud. De la mairie de Château-Renaud. Qui d'accord nous prête la salle de la Tannerie. Eh oui. On les remercie. C'est que il y a la santé mentale, ça durait une semaine tous les ans. Et quand il n'y a pas de santé mentale, on n'est pas invité. Du coup, on a fait notre propre sortie théâtre. On avait une semaine de la santé mentale. Ouais, on se remplacer par le théâtre, on fait nous-mêmes. D'accord. Oui, c'était au mois d'octobre. Depuis le Covid, c'est passé au mois de mars. Ouais. On ne le fait pas forcément tous les ans, parce que c'est aussi de l'organisation. Bien sûr. On a fait des soirées théâtre-débat, des soirées-conférences. Là, c'est vraiment un autre objectif. En fait, c'est une patiente qui nous a proposé cette idée-là il y a un an, en conseil d'administration de l'association, quand on cherchait comment récolter des sous. Elle nous a dit, moi j'ai une idée, je connais une troupe de théâtre qui se propose de faire des représentations gratuitement pour que les associations puissent avoir une recette. Eh oui. Et du coup, petit à petit, ce projet a mûri. Donc là, on se réunit depuis quelques mois, tous les 15 jours pour l'organiser, patients soignants, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Qui tient la buvette? Comment on organise? Qui va faire les crêpes? Qui fait la crêpe? qui travaille pour la communication? Donc on s'est réparti les tâches. On espère. On espère que vous viendrez nombreux. Oui. Nous, en tout cas, on sera là. On va passer un bon moment. Et les crêpes, ça marche bien. Ah, mais ça marche toujours. Quel que soit le public, on est tranquille. Les crêpes, ça part. Donc le théâtre qui est partenaire de cet événement, c'est le Théâtre de l'Escapade de Champceaux-sur-Chausey, hein, comme le précisait Deria, invité par l'association Acer. Ça aura lieu le 30 mars à 14h30 pour la représentation de Jupes courtes et conséquences, et puis à 16h15 pour La nuit du soupçon, donc deux pièces qui seront jouées par cette même troupe de l'Escapade au profit de l'association Acer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui tous les trois. Je rappelle que nous avions autour de cette table Deria R, infirmière au CHIC d'Amboise Château-Renaud, Emmeline Minot, assistante sociale sur ce même CHIC, et puis Mickaël, patient du service et co-président de la SER. Bon, c'est bon pour une première. Merci, bah c'est pour fait, l'invitation. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup et rendez-vous le 30 mars à la tannerie de Château-Renaud.